J'ai rêvé à Paris, je n'ai jamais vécu. J'ai rêvé à Paris, je n'ai jamais vécu. J'ai songé aux étroites rues pavillonnées, à l'écart des arbres qui tombent. À l'automne allant, ce rythme saccadé, ces lumières brillantes et jaunes, j'aurais voulu marcher et m'approprier ces couleurs et ces formes, comprendre sans se sentir, comprendre sans s'en sortir. Dear old Jimmy, you forgot that you're young. but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, one way you are. The buffaloes used to say, do what you do. visions. As your world is mine, my world is yours. I remind scents and sights. You burn your youth. I'll remind you to never look back. Bravo.